Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gemozo 107 FM. Et aujourd'hui, on est vendredi. Et qui dit vendredi, dit billet de sortie. Donc, cette émission est comme d'habitude un florilège de différentes interviews et de différentes annonces hein, pour des événements à venir ce week-end et courant de la semaine prochaine. Alors, je vous laisse avec ce florilège d'interviews et on se retrouve juste après, à la fin, pour la conclusion. Et on commence ce billet de sortie avec un événement non pas imminent mais immédiat. En effet, l'ADEMAT se réunit devant l'hôpital de Remiremont pour protester contre sa mise en danger car en effet la totalité de l'hôpital est maintenant en danger. Et j'ai pour cela eu en phoneur Jean Tisserand donc de l'ADEMAT qui va nous expliquer comment ça va se passer là-bas. Donc je lui laisse la parole. Flash info, info rapide, info toute fraîche pour incessamment sous peu, vu qu'en effet il me semble que c'est de notoriété publique que la maternité est en danger depuis un moment et ça risque même d'être beaucoup plus. Et pour ça j'ai au téléphone un Jean Tisserand de l'ADEMAT, c'est bien ça? Oui, docteur Tisserand, médecin retraité de la maternité et vice-président de l'ADEMAT. Eh bien, avant toute chose, bonjour Jean, hein, merci bonjour, beaucoup. Bonjour à tous vos auditeurs également, bonjour. Et merci de donner un petit peu de votre temps. Donc, si j'ai bien compris, l'hôpital risque d'être menacé et il y a un mouvement à l'heure actuelle pour la protection de l'hôpital, c'est ça? Oui, tout à fait. La maternité a été menacée depuis environ 2 ans. Nous avons réussi à la préserver au moins momentanément. Hein. Mais le directeur de l'hôpital et l'Agence régionale de la santé sont en train de fermer le service de cardiologie ou de le faire fonctionner de manière extrêmement dégradée, ce qui met en danger la totalité de l'hôpital. Toutes les spécialités de l'hôpital ont besoin de cardiologues. La maternité ne fonctionne pas toute seule comme ça aussi, elle fonctionne avec des besoins de cardiologues, d'anesthésistes, de chirurgiens. Et nous avons l'impression très nette qu'il y a une entreprise de démolition, de démantèlement complet de l'hôpital qui est commencée. Et il faut protester, il faut que la population s'unisse et se défende ce bien qu'est leur hôpital, parce que c'est l'hôpital des vallées. Des vallées des Hautes-Vosges, de Gérardmer, de la Bresse, vallée du Tillot, de Bussan, et puis tout le nord de la Haute-Saône sont des utilisateurs de cet hôpital. Et nous appelons à une manifestation devant l'hôpital vendredi 8, demain soir à 18h, pour protester et maintenir cet hôpital, et témoigner de l'attachement que vous avez à cet hôpital. Donc, à l'heure où nos auditeurs écoutent cette interview, hein, vous serez devant l'hôpital pour demain manifester soir, votre décès. Désaccord. Oui, donc à 18h, nous serons devant l'hôpital et nous manifesterons notre désaccord, puisque nous aurons tous un jour ou l'autre besoin de cet hôpital, et je crois qu'il faut que la population et que les gens en soient conscients. C'est un bien commun et il ne faut pas le supprimer. Il est au service de la population et il fonctionne très bien. Et nous ne supportons pas qu'on essaye de le dégrader, de le démolir insidieusement. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a même la cardiologie qui est sur le point de fermer. C'est vrai, cette info? Oui, la cardiologie. Il y a une annonce de fermeture de la cardiologie le 1er juin. Elle n'est pas tout à fait fermée, mais il est très difficile d'avoir des consultations externes. Il ne va plus y avoir de cardiologue diplômé, véritable cardiologue, que 2 demi-journées par semaine. C'est dans le but de transférer l'activité sur le centre hospitalier d'Épinal, bien entendu. Oui, donc, c'est un mode de fonctionnement extrêmement dégradé. On n'ose pas dire qu'on le ferme. Enfin, les gens qui ont fermé ce service n'osent pas dire vraiment qu'ils le ferment, mais ils le font fonctionner de manière dégradée et inacceptable pour les patients. Oui, presque, ouais. Presque à le faire mourir à petit feu. Et, voilà, exactement. Et donc, le rassemblement, donc vendredi à 18h, ça va consister en quoi? Une manifestation pacifique? Juste un rassemblement? Oui, une manifestation tout à fait pacifique. Il faut amener des pancartes pour demander de sauver l'hôpital, de sauver la cardio. Et c'est bon enfant, hein, il n'y a pas du tout de violence, bien entendu, c'est quelque chose de très pacifique, mais il faut que la population marque le coup, disent qu'elle en a été consciente, parce que cette fermeture s'est faite totalement en catimini, totalement en silence. Ça a été découvert une semaine avant, simplement, alors que les choses se préparaient depuis longtemps. Oui. Et il faut que la population soit vraiment au courant. Il faut le secret est très mauvais. Il y a une démocratie sanitaire, les gens ont le droit de savoir où et quand et comment et par qui ils seront soignés. Et il faut les informer. Il faut pas faire les choses en douce. C'est exécrable, voilà, insupportable. Et le rassemblement, ce sera aussi un moyen d'en savoir un petit peu plus sur la réalité du terrain l'avenir qu'il en sera de l'hôpital à l'instant T. Je ne sais pas si on nous portera à connaissance d'autres événements concernant cet hôpital demain soir, mais il faut que les gens qui fassent ça sachent que nous resterons vigilants et que c'est pas possible de faire ça en douce. Voilà, je crois que c'est important que la population sache ce qui se passe. Avoir d'autres connaissances de ce qui se prépare éventuellement pour cet hôpital, c'est extrêmement difficile. La culture du secret est quelque chose qui a été vraiment mis en mode de fonctionnement. On demande même au personnel de l'hôpital de faire preuve de réserve, de ne pas parler de l'hôpital à l'extérieur, de ne pas adhérer à des associations qui pourraient défendre l'hôpital, etc. C'est vraiment... on a l'impression que les gens qui travaillent à l'hôpital sont des citoyens qui sont un petit peu muselés. Voilà. Et donc, c'est pourquoi j'encourage les auditeurs qui nous écoutent, vu que ce sera diffusé vendredi soir. Donc, à l'heure où vous nous écoutez, si vous voulez protester contre la fermeture de l'hôpital, éteignez votre poste et allez joindre Jean Tisserand. Mais voilà, j'encourage vraiment les auditeurs à aller vous rejoindre, Jean, et tous les autres de l'association ADEMAT, et d'autres aussi qui sont là pour protester contre la fermeture de l'hôpital. Vraiment, rassemblez-vous, c'est important. C'est important, oui. Je vous remercie. Merci à vous, Jean. Très gentil de m'avoir donné la parole. Mais je vous en prie. Et bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, le message est passé, j'espère, et j'imagine que les auditeurs qui ont voulu aller protester contre la fermeture de l'hôpital se sont déjà rendus sur place. Et en attendant, pour les autres auditeurs qui sont encore là, c'est déjà l'heure de passer à la rubrique culture. C'est par là qu'on va commencer ce soir. Et on va commencer par le musée des mille et une racines de Cornimont qui organise ce samedi 9 juin à partir de 11h30 le vernissage de leur nouvelle exposition éphémère avec Pascal Collin et son comment dire son exposition, pardon, je vais y arriver, s'intitule « Les animaux de nos forêts ». Donc, je laisse la parole cette fois à Élodie Derdel, présidente de l'association. Pour les auditeurs qui ont peut-être soif de culture pour ce week-end, le musée des Mille et Une Racines à Cornimont remet le couvert avec une nouvelle exposition. Et pour cela, j'ai Élodie Derdel, présidente de l'association au téléphone. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors Élodie, dites-moi, il y a une nouvelle exposition après D'Arbres et d'Écorce, pardon, si je me trompe pas. Et quel est le sujet de la nouvelle exposition éphémère ? Eh bien, c'est tout simplement les animaux de nos forêts. Donc, c'est une exposition d'un photographe amateur, Pascal Collin, qui habite près d'Épinal et qui aime aller en forêt ou dans la plaine des Vosges pour photographier sur le vif les petits animaux de notre contrée. Et ça fait longtemps, j'imagine, que c'était prévu avec lui ? Oui, ça faisait déjà des mois. On savait qu'après Sandrine Brunner, son exposition d'Arbres et d'Écorce, celle-ci allait être suivie par celle de Pascal. Et donc, l'exposition de Pascal Collin, donc vous avez dit, c'est de la photographie sur les animaux sauvages. Mmh. Elle a déjà commencé ou elle sera, inaugurée ce week-end ? Alors, elle sera officiellement inaugurée ce week-end puisque le vernissage aura lieu demain matin, en fin de matinée. Mais en fait, ces photographies sont déjà visibles au musée. Donc, justement, des bambins des écoles ont pu en profiter ce matin. Ah déjà, mais pour oui. pour le vernissage, Pascal Collin, donc l'artiste sera présent. Oui, il sera présent. Donc il sera là, j'imagine, pour répondre peut-être aux questions que se poseront les visiteurs. Tout à fait, il sera là et puis on espère que de temps à autre, donc là on n'a pas encore défini les dates, mais il se pourrait bien qu'il vienne de temps en temps au musée à la rencontre des visiteurs. Alors, quand ça sera le cas, on ne manquera pas d'en informer les visiteurs sur notre compte Facebook et bien sûr sur notre nouveau site Internet. Donc là, les visiteurs potentiels peuvent déjà regarder sur Internet. Nous avons un nouveau site plus moderne. Alors, le site est très simple, c'est 1001racines.fr. Alors, 1001 en chiffres, donc 1001, racines au pluriel, .fr. Et vous tombez immédiatement sur le site avec toutes les informations intéressant notre musée. Ah, c'est fantastique ça, un site internet. Vous pourrez regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Donc on a modernisé notre site et donc toutes les informations y sont. Ah. Vraiment les heures d'ouverture, les prix, le calendrier, parce que là aussi une spécificité de notre musée, nous tenons compte de l'affluence des visiteurs, c'est-à-dire que pendant les vacances, nous fermons simplement le samedi, c'est le chassé croisé des vacanciers. Par contre, comme c'est le cas aujourd'hui où les enfants ne sont pas encore en vacances, le musée est ouvert 6 jours sur 7, mais il est fermé le mardi. Donc les week-ends, vous pouvez venir nous voir. Donc dès demain, vous pouvez venir, il n'y a aucun souci. Ah super, merci beaucoup pour ces infos. Et revenons à nos moutons, car après tout, l'objet de mon appel, c'est le vernissage de l'exposition de Pascal Collin sur les animaux de nos forêts. Mmh. Donc vous avez dit qu'il a déjà commencé à exposer, et son exposition éphémère durera jusqu'à quand chez vous ? Ah, bah jusqu'au 30 septembre, hein. On a quand même encore le temps d'aller voir notre musée et d'aller voir l'exposition de Pascal. Ah oui, en effet. Et donc, je rappelle aux auditeurs que le vernissage a lieu le samedi matin à 11h30. L'entrée pour le vernissage est gratuite ? Alors là, pour le coup, ici, on vient spécialement voir Pascal. Et puis, pour le reste, bon, bien sûr, l'entrée du musée est payante. Donc, voilà, en sachant aussi que lors des journées du patrimoine, l'entrée du musée est gratuite. Donc, on pourra aussi, si l'on veut, voir l'exposition de Pascal, la voir lors des journées du patrimoine qui ont lieu le week-end de la mi-septembre. Ah oui, donc on aura largement le temps de voir cette exposition toute nouvelle dans le musée des Mille et Une Racines. Donc je rappelle aux auditeurs, l'exposition photo de Pascal Collin, vous avez dit un amateur, donc c'est une bonne chose de voir un amateur exposé dans un musée, et son thème c'est les animaux de la forêt. Et puis après, bien entendu, hein, pour les autres qui veulent voir le reste du musée des Mille et Une Racines, c'est bien entendu toujours disponible comme d'habitude. Voilà, pour les enfants, c'est gratuit, les enfants de moins de 10 ans. Pour les 10-16 ans, c'est 2 euros l'entrée. Au-delà de 16 ans, c'est 4,50 euros. Et puis, pour les groupes, à partir de 15 personnes, on fait payer 2 euros par personne. Donc, ça peut être intéressant. En tout cas, pour les familles, faut pas hésiter à venir. Et je pense que ça va vraiment intéresser les petits et les grands. J'en suis certaine, en tout cas je suis persuadée que le message est arrivé jusqu'aux oreilles de nos auditeurs. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui veulent plus d'informations, c'est sur le site internet 1001racines, donc 1001racines.fr, là où vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin pour connaître un petit peu la saison, l'agenda du musée. Bah écoutez, est-ce qu'il y a encore d'autres dernières infos à compléter, Elodie ? Oui, bah, j'ajouterais qu'avec nos partenaires du musée du bois de Saulsure, du musée textile de Vintron et le jardin des Panrées de Cornimont, nous proposons également à nos visiteurs un tarif préférentiel, c'est ce qu'on appelle le pass musée jardin, qui permet pour 14,50 euros à tout adulte, enfin tout adulte à partir de 16 ans, de visiter nos 4 structures à un tarif préférentiel. Donc il ne faut pas hésiter, dès lors que vous visitez l'une des 4 structures, à demander le pass. Alors là aussi, vous aurez toutes les informations sur 1001racines.fr. Eh bien, merci beaucoup pour cette info que j'ai en exclusivité, hein, en tout cas pour la radio. C'est vrai que c'est une bonne occasion, hein, un pass pour 4 musées, ça vaut le coup. Je suis certaine que nos auditeurs, aussi curieux soient-ils, ont perçu toutes les informations dont ils ont besoin. Bah, écoutez, merci beaucoup Elodie, merci et bon courage pour le vernissage. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Et cette fois, on va se diriger vers Remiremont. En effet, le samedi aussi de 14h30 à 16h, la médiathèque de Remiremont organise un café lecture. C'est le rendez-vous, un café lecture comme son nom l'indique, qui est proposé régulièrement par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionales. Et elle s'adresse à toutes les personnes qui aiment lire et partager leurs impressions de lecture en toute convivialité. Lire, c'est le dernier livre de Bernard Pivot écrit à sa fille Cécile, une grande lectrice. Lire fait un bel éloge des écrivains, des livres et de la lecture. Ce livre est bien sûr disponible à la médiathèque. Les bibliothèques ont vocation à permettre à chacun d'accéder à la lecture et de mettre en place des animations autour du livre comme le café lecture. Passeur de livres, chaque participant vient avec un livre de son choix pour transmettre les bonnes raisons de lire, les coups de cœur, ou de ne pas lire, les coups de griffe. On ne s'ennuie pas une minute car les livres présentés sont très variés. Romans, bandes dessinées, documentaires, poésie, livres de tout style et de tout genre. On peut même venir en auditeur libre pour glaner des idées et des conseils de lecture. Le plein d'idées lecture, pour toutes les personnes ne pouvant se rendre à ce rendez-vous, les bibliothécaires tiennent à disposition le livret Café Lecture, rassemblant tous les titres évoqués durant la séance, en version papier ou en ligne via le portail de la médiathèque. La prochaine séance est entièrement libre et gratuite pour tout public, donc je rappelle le samedi 9 juin 2018 à la médiathèque intercommunale de Remiremont et le café sera ouvert de 14h30 à 16h. Après avoir parlé de lecture, on va parler d'écriture et on va se diriger vers Cornimont. Bien que le café Guéluron ait fermé ses portes, l'association La Petite Utopie continue son travail et elle organise même 2 événements ce week-end, hein, le samedi 9 après-midi et le dimanche 10 à midi. Et pour cela, j'ai eu Maggie Louis de l'association La Petite Utopie en phoneur et elle nous expliquera ce qui va se passer ce week-end avec eux. Bien que le Guéluron ait fermé il y a de cela bientôt un mois, la dynamique culturelle continue dans la vallée de la Moselotte, surtout avec l'association La Petite Utopie qui continue à organiser des événements qui ont fait d'ailleurs ce week-end. Et pour cela, j'ai Maggie au téléphone. Bonjour Maggie. Bonjour Lou. Alors, dis-moi, la petite Utopie organise deux événements, un samedi et un dimanche. Tu peux peut-être nous retracer vite fait dans le contexte qui est la petite Utopie ? Eh bien, la petite Utopie, c'est une association qui a été créée il y a bientôt 2 ans et qui était hébergée à Saulxures-sur-Moselotte au café culturel de la rue Raymond Poincaré. Donc, c'est l'association qui découle du Gailluron. C'est l'association qui a été créée grâce au Gailluron. Et qui a donc été hébergé pendant plusieurs mois à l'intérieur de ce café. Et même si le café a fermé, la dynamique continue. Et c'est pour cela que tu es au téléphone avec moi aujourd'hui, Maggie. Il y a avant toute chose un atelier d'écriture samedi 9, c'est bien ça ? Alors donc, demain, c'est déjà demain après-midi à 14h, l'association La Petite Utopie propose un atelier d'écriture à Cornimont, dans le cadre aussi de cette dynamique, de cette belle dynamique des arts mélangés. Oui. Donc, un atelier d'écriture qui est à la fois... qui est le fait à la fois de la petite utopie, mais dans le cadre de ce festival des arts mélangés. Est-ce que tu peux peut-être dire aux auditeurs, et même à moi, vu que je me pose la question, c'est quoi les arts mélangés ? Alors, très honnêtement, je suis moins au clair avec ce que sont les arts mélangés. Ce que je sais, c'est que c'est une dynamique qui, chaque 2 ans, s'installe dans la vallée de la Moselotte. Cette dynamique permet à des artistes, à des musiciens, à des plasticiens, à des gens de théâtre de montrer ce qu'ils ont travaillé, ce qu'ils sont capables de faire. Et toutes ces activités sont gratuites pour le public. Elles sont gratuites, bien entendu, et tu as dit donc l'atelier d'écriture a lieu samedi 9 à 14h à Cornimont. Est-ce qu'il y a une adresse exacte ? Alors, l'adresse exacte, c'est donc la salle des fêtes, la salle des fêtes dans l'ancienne mairie de Cornimont. C'est face à l'église de Cornimont. Et s'il y a peut-être un nombre de places limitées, est-ce qu'il faut peut-être réserver ou prévenir de sa présence ? Alors, il y a encore des places, mais il est indispensable de réserver au numéro que je vais donner. Oui, on le note. 06 08 69 98 55. Mais si bien sûr on ne peut se décider qu'au dernier moment, ben, la porte est évidemment grande ouverte. C'est avec plaisir que l'appel est lancé aux auditeurs pour l'atelier d'écriture. Et pour ceux qui ont envie de continuer à côtoyer la petite Utopie, il y a un repas campagnard organisé dimanche 10 et c'est aussi ce pourquoi tu es au téléphone avec moi aujourd'hui. Alors oui, on est vraiment heureux de fêter, de pendre la crémaillère dans cette commune de Cornimont, qui maintenant nous héberge à la suite de la fermeture du Gailluron. C'est donc la commune de Cornimont qui nous héberge et dimanche, un premier repas champêtre va être proposé à l'ancienne école de Xouls. J'ose insister sur ce terme repas et sur ce terme champêtre parce que on va proposer du jambon au foin, du chic, des pommes de terre, de la salade de fruits et le tout pour 12 euros. Et ce sont donc des tables d'hôtes auxquelles bien sûr chacun est invité à s'asseoir. Mais il serait vraiment là aussi important de réserver Je donne toujours le même numéro. Je voudrais bien donner le numéro de notre cuisinier, parce qu'on a un excellent cuisinier qui va faire ce repas, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Donc je redonne ni le cuisinier ni son numéro, mais je redonne ce numéro, le numéro suivant auquel on peut réserver, toujours le 06 08 69 98 55. Donc c'est bien noté pour le numéro, Maggie. Donc tu as dit c'est du côté de Xoulz, où exactement? Alors exactement à l'ancienne école de Xoulz. Tout simplement. Donc oui. Ça se situe à 2 km de Cornimont. Et bien sûr qu'on sera à l'abri en cas de pluie. Après le repas va être proposé une balade ou des jeux ou un quaroge. Enfin, l'après-midi sera destiné à être convivial. Et tous les gens de Xoulz bien sûr, mais tous les autres sont invités à nous rejoindre pour fêter le nouveau nid de la petite utopie qui... les œufs ont éclos, c'est vrai, hein, grâce au café culturel de Saulsur, mais les oiseaux changent simplement de nid et continueront à vous proposer des activités culturelles, manuelles. Par exemple, l'atelier tricot se poursuit, l'atelier théâtre d'impro aussi, les concerts, qu'ils soient de musique plus classique ou plus rock, se poursuivent. L'atelier patois continue. Je n'ai pas la liste sous les yeux, mais en tout cas, tous les ateliers qui étaient nés au Guéluron se poursuivent et vous attendent les portes sont ouvertes. Eh bien, merci beaucoup Maggie pour cet appel qui, je suis sûre, a atteint les oreilles de nos auditeurs. Donc, je rappelle brièvement, donc samedi 9 à 14h à Cornimont, atelier d'écriture, et dimanche 10 à l'ancienne école de Xoulz, repas campagnard pour 12 €, et les réservations toujours au même numéro que tu as donné. On va peut-être le rappeler une dernière fois, tu peux le faire s'il te plaît? Eh bien, avec plaisir. Au 06 08 69 98 55. Eh bien, merci beaucoup, Maggie, pour ces informations. Bah, écoute, je souhaite un très bon week-end et beaucoup de courage à la petite Utopie, en espérant que ces événements culturels se passent très bien. Eh bien, c'est nous qui remercions la radio de faire passer de tels messages. Eh bien, merci beaucoup, Maggie. Belle journée. Merci. Bonne journée à toi. À vous. Cartes, plans, photos anciennes de Dommartin. Une visite est proposée par les membres de l'association Dommartin, Histoire et Patrimoine. C'est une exposition temporaire présentée à la Maison du Patrimoine. La visite guidée de la maison se fait à 15h, suivie de la visite guidée de l'église. Ce sera ce dimanche 10 juin 2018, de 14h30 à 17h30, à la Maison du Patrimoine, à Dommartin, les Remiremont. Et la rubrique culture se termine déjà, donc on va passer aux foires, fêtes et autres pour finir enfin avec les concerts. Et on commence ce week-end avec le samedi 9 de 10h à 17h30 avec l'association AMI et Épinal en Transition qui nous invite au Répare Café à la 3ème Rive. Donc, réparer ensemble, c'est l'idée des Repair Café, dont l'entrée est ouverte à tous. Outils et matériels sont disponibles à l'endroit où est organisé le Repair Café pour faire toutes les réparations possibles et imaginables. Vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets et autres. D'autre part, sont présents dans le Repair Café des experts bénévoles qui ont une connaissance et une compétence de la réparation dans toutes les sortes de domaines. On y apporte des objets en mauvais état qu'on a chez soi. On se met à l'ouvrage avec des gens du métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café. Ceux qui n'ont rien à réparer, prennent un café ou un thé et aident à réparer un objet appartenant à un autre. Donc pour le contact, c'est l'association AMI à Épinal. Ah, et ce week-end aura lieu à Saint-Nabor, la foire à la Tofaille. Hein. L'association La Tofaille Noivarode propose sa traditionnelle foire à la Tofaille sur le site des Perret à Saint-Nabor, les samedis 9 et dimanche 10 juin 2018. Et voici le programme. Donc le 9 juin, à partir de 17h30, la fête sera inaugurée avec la fanfare, l'étendard et les élus. Ensuite, il y aura un apéritif offert à tous avec Obad. À partir de 19h, il y a marche nocturne pour tous, départ groupé et la marche dure environ 2h30. À l'arrivée, pour ceux qui le désirent, il y aura une assiette Tofaille, donc grillade, sandwich et boissons servies sous chapiteau avec animation de DJ Mécano et jusqu'à 1h du matin. Le repas peut commencer à 22h et il y aura ensuite un feu de Saint-Jean communal. Pour dimanche 10, à partir de 6h du matin, une grand vide-grenier et foire commerciale suivie de la fête foraine. À midi, sous chapiteau, les traditionnels repas Tofaille sera servi avec buvette à disposition et animation DJ. Une grande tombola avec de nombreux lots éveilleront l'esprit des gagneurs. Concours de pétanque sera aussi organisé. Venez nombreux, les organisateurs et bénévoles vous attendent et seront à votre disposition. On a même eu un petit mail parenté qui se trouvera là-bas dimanche 10 juin de 8h à 18h. Et ça y est, on passe déjà au concert. On va commencer par le vendredi. Donc vendredi 8, Caroline Jonf sera en concert à la salle des fêtes de Bissheim à 20h. Et le prix d'entrée pour le concert sera de 20€. On quitte l'Alsace pour revenir dans les Vosges. Hein. Vendredi, toujours 8 juin, à 20h30, Lizzy Stara sera à la Souris Verte à Épinal. Mais Lizzy Stara, qu'est-ce donc ? C'est de la scène française avec Ben Amos Cooper, Max Roy et Théo Guénéo qui forment Lizzy Stara, un trio à part dans le paysage saintongeais des musiques actuelles. Vous prenez du rock, de la trance, un peu de dub et une pointe de vieux films samplés et vous obtenez Lizzy Strata. Un gros mélange de styles qui reste accessible et épouvantablement dansant. On va se diriger ailleurs, on va changer à nouveau de département. Hein. Le festival de musique actuelle Le Bruit du Renard prendra place cette année sur la place Ambroise à Croisat à Seloncourt. Ce festival, ayant pour vocation de promouvoir des groupes locaux et environnement, aura lieu cette année encore dans une ambiance bon enfant et décontractée, réunissant des passionnés et des curieux. Mais le festival se veut accessible à tous, d'où sa gratuité. Il y aura Inch the Elephant, Syndrome, Rasputin Close, The Free Tree Bastards, Le Bruit du Renard, We Are Griff, Retro Kicks, Astral Collision. Donc ce festival aura lieu du 8 au 9 à partir de 20h jusqu'à 2h30 à la place Ambroise Croisat à Seloncourt. L'entrée est gratuite et accessible à tous et il y a restauration sur place. samedi, il y aura le Dawat Festival à Amonville, donc dans les Vosges. L'entrée est gratuite et le concert commence à 15h. Il y aura Pas Gros Mais Gras entre chaque groupe à partir de 19h. Puis Accord de Rue à 19h30. Tirage au sort de Tombola et Panier Garni à 20h45. Puis Flying Orchestar à 21h. Rage Against the Marmotte à 22h30 et The Capsule à minuit. Pour le lendemain, hein, il y aura des balades à daube de poney dès 15h, hein, maquillage gratuit et jeu d'antan au feu de bois du fort des énigmes. Il y aura un marché artisanal et des jeux dès 15h. Et les jeux sont l'araignée du soir, Retrievart, Mathieu Esposito, Doms, Folisoft, accessoires de mode. Et d'ailleurs, je vois aussi qu'il n'y a pas que des jeux, mais il y a bien entendu aussi des exposants. Donc je continue, Maman Ours, Cap sur le Vert, Tropical Seeds 971, Les Créas de Nat G, Bleu Vaudron Bijoux Fantaisie, Agal Viking, Revue de la Revue 4 et plein d'autres, des écrivains, des créateurs, des artistes en tout genre. Donc le festival en plein air à Amonville se trouvera entre tous les 9 châteaux. Et pour plus d'informations, c'est à Artmonville, donc Artmonlife@gmail.com. Allez, on retourne à Golbey cette fois pour un concert qui aura lieu samedi 9 à 20h au bar L'Artiste. Hein. C'est un concert rock avec The Erconauts, ça y est, je vais y arriver. C'est du métal progressif et punk originaire de Suisse. Le groupe s'est fondé en 2014 par des ex-membres de Cybrid, Djoze et Seven Tone. Les Erconauts, c'est aujourd'hui l'un des groupes de métal les plus dynamiques en Suisse. Il y aura aussi Oliphant, donc qui a été créé début 2015, qui puise dans les différentes influences de ses membres pour proposer un métal sans concession. Il y aura aussi, toujours chez l'artiste, Stone Deaf, Balises Blues Rock'n'Roll, qui est un groupe visiblement spinalien. C'est un groupe influencé par du rock lourd et du blues à l'ancienne, avec un son très fort et entraînant que le trio et ses fidèles se bougent. Donc, dans l'ordre, ça commencera à 21h avec Stone Deaf, puis 22h à Erconauts et 23h Oliphant. L'entrée est de 5€. Et autre concert de punk festif à Charmes, cette fois avec les Gars d'en Face et les Roses Laurence. Donc les Gars d'en Face, c'est de la chanson un peu festive, un peu punk, un peu marrante et un peu triste. C'est la vie, quoi. Ils écument les bars et les festivals apportant la fête, la bonne humeur et un joyeux bordel sur leur passage. Et vous pouvez toujours trouver leur page Facebook. Et le deuxième groupe, donc les Roses Laurence, c'est le tout dernier projet de Sullivan, des fameux fonds de tiroir à la guitare et au chant, accompagné par David au percu. C'est de la chanson française décalée qui mêle humour et provocation. Et l'entrée est bien entendu gratuite. On se dirige pour ce dernier concert à Nancy, à The Rifter, qui ce sera même pas le week-end, ce sera dans la semaine, hein, le 14 juin de 20h à 23h30, qui accueillera Roxy Lavish et le Suicide Cult avec Daale, donc D-A-A-L-E. Et le concert, hein, ce sera, je le répète, le 14 juin de 20h à 23h30. Et le prix d'entrée pour le concert, hein, donc ce sera au Quai Sainte-Catherine au bar The Rifter. L'entrée est de 5€. Et on va finir, comme vous l'avez compris, hein, le concert annoncé sera courant de la semaine, donc je finis d'annoncer les autres événements qui ont lieu courant de la semaine. Donc déjà le 12 juin à la bibliothèque de Sulzur-sur-Moselotte, et même à la médiathèque, hein, elle propose un moment de partage et de faire partager des lectures autour d'un thé ou d'un café. Et les livres sont choisis en fonction des goûts exprimés par les uns ou les autres, donc des biographies, des romans, des nouvelles, de l'histoire, du policier ou même de l'artistique. Donc rendez-vous à 17h30 à la bibliothèque de Sulzur-sur-Moselotte. Et enfin, point d'orgue de la semaine, jeudi 14 à 20h, hein, au cinéma Le Palace à Épinal, il y aura une séance exceptionnelle, on en a déjà parlé courant de la semaine, donc une séance exceptionnelle, une diffusion du film Tchernobyl, Le Monde d'après, un film de Marc Petitjean et Yves Lenoir, qui ouvre un petit peu les yeux sur la réalité du terrain là-bas, sur 30 ans après la catastrophe. L'entrée est au tarif tout à fait normal, donc jeudi 14 à 20h au Ciné Palace à Épinal. Ah, ça y est, le générique pointe déjà le bout de son nez. Donc, il va déjà être l'heure d'annoncer le programme de la soirée et du week-end, bien entendu. Donc, à la fin de ces sorties du week-end, la prochaine émission, ce sera à 21h. Ce sera Mosaïque avec François. Et l'émission suivante, c'est la rediffusion de l'émission que vous venez d'écouter à l'instant, de 7h à 8h, suivie de Les Vosges samedi avec Hélène de Radio Caraïbes Nancy, puis Musette Partie avec Cyril Renaud à partir de 10h. À 14h, ce sera Mika qui reviendra pour Hors Format avec Anne Exaker qui est dessinatrice, auteur BD et qui a d'autres cordes à son arc, et aussi Steve Cellier qui est gérant du complexe L'Artiste à Golbey où il y a eu, je vous le rappelle, un concert ce week-end. Puis à 21h, ce sera la rediffusion de Rock à la Casbah de vendredi soir. Puis à partir de minuit, ce sera la rediffusion de Jukebox de jeudi soir. Et on arrive déjà à dimanche. Alors dimanche, ce sera la rediffusion de Musette Partie avec Cyril Renaud à partir de 7h. Suivi à partir de 10h de Salut les 60 avec Gérard, la rediffusion. À 16h, ce sera J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique. Puis à 18h, ce sera Les années bonheur avec Gilou, la rediffusion de jeudi. Et pour clore cette journée de dimanche et ce merveilleux week-end, ce sera Just Time avec Radio Déclipse, suivi d'une playlist de 1h30 de jazz. On se retrouvera lundi de bonne humeur, hein, lundi matin, avec les coups de cœur d'Aurélien et la matinale de Marion. Et pour me retrouver, moi, ce sera à la même heure, comme d'habitude, hein, 18h-19h. Et cette fois, on va parler d'hypnothérapie avec Hypnose et Bras du Tio. Et pour les petits curieux qui n'auront pas la patience d'attendre demain matin, pour la rediffusion du billet de sortie, parce que bien entendu c'est le but de l'émission de ce soir, l'émission sera bien entendu disponible sur la page Facebook ou sur notre site internet radiogemozo.eu dans la rubrique L'heure des loups. Elle sera bien entendu aisément téléchargeable ou écoutable sur les smartphones, mais ça, vous en avez l'habitude. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, hein. J'étais très contente de faire ce billet de sortie comme d'habitude. Alors je vous souhaite à tous un très très beau week-end, une très belle soirée et rendez-vous lundi, même heure, sur Radio Gemozo.